Assalamu alaikum wa rahmatullah. Voilà, on va commencer les questions-réponses avec Cheikh Chalabi, Inch'Allah. Par contre, les questions que vous allez nous envoyer, Inch'Allah, qu'elles soient abrégées et brefs. Voilà, pour que Cheikh puisse bien les comprendre, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Cheikh, à vous la parole, Inch'Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا dans cette série de questions-réponses إن شاء الله تعالى. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider et de nous de raffermir nos cœurs et de nous donner la sincérité et la science qu'il faut pour répondre, Inch'Allah ta'ala, à ces questions. Tfadal, Inch'Allah ta'ala, pour la première question, si tu es prêt. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Cheikh, hier dans le cours, vous avez parlé d'un homme qui a fait salat pendant 60 ans. Et sa salat apparemment n'a pas été acceptée. Quel est le temps qu'il faut alors pour dans le roko et le sujoud? Barakallahu fik. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Donc je répète le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'a cité Cheikh Al-Albani rahimahullah dans son livre Sahih al-Jami', si je ne me trompe pas. Et il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la personne priait 60 ans, c'est-à-dire ça lui arrive de prier 60 ans sans que Allah Ta'ala ne lui accepte même pas une salat. La personne prie 60 ans sans que Allah Ta'ala ne lui accepte aucune salat. Ensuite le prophète alayhi salam m'a montré pourquoi. Il a dit des fois, c'est-à-dire il parfait, du verbe parfaire, il fait bien, avec perfection, le recours, mais il picore le sujoud. Ou alors il fait bien le sujoud, mais il fait pas bien le quoi. Donc, la salat, c'est avant tout quoi? C'est avant tout, yani, comment va se passer le recours et comment va se passer le sujoud. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a fait les éloges des sahaba, dans le Coran, il a dit, tarahum ruk'an sujadan. Tarahum, comment tu... Il n'a même pas dit Raki'in. Tu les vois pas inclinés, prosternés. Mais tu les vois Ruk'an Sujadan. C'est-à-dire tu les vois exagérés, en exagérant dans la prosternation. Tu les vois, ils exagèrent dans l'inclination. Donc maintenant, pour que l'inclination soit acceptée et le sujud soit accepté, au moins la personne, quand elle va faire le recours, elle va attendre un peu tous les os, yani, se mettent à leur place. Quand elles sortent des articulations, les os doivent yani, sentir un certain repos avant de les faire rentrer de nouveau dans les articulations. C'est pour cela que s'il dit au moins, s'il dit trois fois Subhan Rabbil Azim wa bihamdi, Subhan Rabbil Azim wa bihamdi, Subhan Rabbil Azim wa bihamdi, ce serait Masha'Allah. Et s'il fait plus, ce serait mieux. S'il fait plus quand il fait la prière seul. Sinon, au moins trois fois. Non. Ça ne veut pas dire que s'il fait une fois ça, Salat n'est pas accepté. Non. Mais s'il veut vraiment gagner le ravissement d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus il ajoute, plus c'est mieux. Non. Et la même chose, inshallah ta'ala, pour le sujoud, sans oublier que le sujoud, le prophète alayhi sallam a dit que le serviteur, non, l'endroit où il est le plus proche d'Allah azza wa jalla, c'est dans le sujoud. Donc je ne vois pas pourquoi nous, quand on est dans le sujoud, on ne profite pas de dialoguer avec Allah subhanahu wa ta'ala et de lui demander des choses, alors qu'on est dans l'endroit le plus proche de lui, subhanahu azza wa jalla. Faites-le, Inch'Allah, pour la deuxième question. Waqla ou fik, Cheikh. Assalamu alaikum, Cheikh. Certains frères se comportent avec des frères qui font des fois des erreurs. Ceux qui font des conférences ici en France font des erreurs qui font pas sortir de la Salafia. Ils mettent en garde contre eux de partout avec un effort acharné, comme si c'était un innovateur. Quel conseil, je pense à mon avis, le frère il a oublié des mots, quel conseil vous donnerez, Inch'Allah, Barakallahu Fikoum. Tfadal, Cheikh. Afwan, si tu pouvais répéter la question, il y avait des mots qui ont sauté que j'ai pas entendu. Fadal barakallahu fik. Fawzi, est-ce que tu m'as entendu? Fawzi, est-ce que tu m'as entendu? Ça va comme cher. Non, cher. Deux secondes, je reprends la question, Inch'Allah, je vous la répète. Assalamu alaikum, cher. Certains frères se comportent avec des frères qui font des fois des erreurs. Ceux qui font des conférences ici en France, qui font pas sortir de la Salafia. Apparemment, le frère là, il a dû oublier un mot. Ils mettent en garde contre eux de partout avec un effort acharné, comme si c'était un innovateur. Quel conseil, Barakallahu Fikoum, a donné concernant ces troubles? Tfadal, Cheikh. Fawzi, si tu m'entends, écris numéro 1. Est-ce que tu as dit que ce sont les conférenciers qui mettent en garde contre certains frères qui font des choses qui ne sortent pas de la salafia, ou bien c'est le contraire? Taïb, tu dis que ce sont les conférenciers. Non, une seconde, Inch'Allah ta'ala, je vais répondre. En effet, c'est une grande faute de vite mettre en garde contre quelqu'un pour une chose qui ne le fait pas sortir de la salafia. Non, c'est une faute grande et grandiose. Non, d'aller vite propager des choses, non, alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Allah Ta'ala a critiqué ce genre de gens qui vite ils propagent la chose sans que ils méditent sur la chose, sans que il soit yani il connaisse la chose de tous ses côtés, mais juste il entend une chose, il va vite la propager, envoyer des mails partout, etc. Non? Alors que normalement, yani, quand on voit quelqu'un agir de cette façon, c'est comme si, Wallahu alam, là, je dis Wallahu alam, c'est comme s'il avait de la joie et qu'il sentait du bonheur que yani, quelqu'un yani, connu, par exemple dans le Minhaj, a été critiqué. C'est comme s'il sentait de la joie, Alhamdulillah, X, on a dit de lui du mal, donc il a été critiqué. Alors que c'est le contraire qu'on devait ressentir. Normalement, quand on l'a, yani, on entend quelque chose pareil, on doit ressentir yani, le cœur gros. On doit dire quoi ? قدر الله ما شاء فعل إن لله وإنا إليه راجعون puisse Allah subhanahu wa ta'ala rétablir les choses et puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider à rester unis et comme ça. Mais certains gens font le contraire, ils sont contents peut-être lorsque yani, on critique quelqu'un. Donc je conseille à tous mes frères d'aller doucement inshallah ta'ala et de bien méditer les choses et de laisser un peu le temps pour que les choses s'éclaircissent bien avant de commencer à propager. Maintenant si quelqu'un entend une chose et que lui dans son cœur il est convaincu, qu'il laisse la conviction en lui jusqu'à Inch'Allah Ta'ala que les choses paraissent bien, ensuite qu'il propage bi'idhnillah ta'ala. Tfadhal. Salam alaikum, Cheikh. Lors d'une sadaqa d'une femme, à la fin de la rencontre entre sœurs, elles lisent le Coran en groupe. Est-ce autorisé et comment il faut faire ? Barakallahu fik, en sachant que c'est une sœur Muqtabi'a. Dans ta question, tu as employé deux mots que je n'ai pas compris. Le premier, tu as dit dans la sadaqa d'une sœur. La sadaqa d'une sœur. Je ne sais pas ce que c'est la sadaqa d'une sœur. Et la deuxième, tu as dit en sachant que cette sœur est une... Ensuite, je n'ai pas compris le mot. Tu as dit mubtadi'a, débutante. Ou bien mubtadi'a, innovatrice. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Salam alaikum, Cheikh. C'est une innovatrice, Cheikh. Et pour la sadaqa, en fait, c'est une sœur, elle a fait une sadaqa. Je pense, à mon avis, un repas ou quelque chose comme ça, entre sœurs. Tfadal, Cheikh. Non. Pour avoir fait la sadaqa ou le repas entre sœurs, avec la niya que. Yani. C'est une sadaqa pour Allah subhanahu wa ta'ala ou quelque chose comme ça. Il est interdit à la fin qu'elle lise le Coran en groupe. Il est interdit à la fin qu'elle lise le Coran en groupe. Et même si elles ne vont pas le lire en groupe, juste le lire, ce n'est pas de la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il terminait une assise, qu'est-ce qu'il disait ? Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Au maximum, il va dire sorte wal asr inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Cheikh Al-Albani a dit que yani ça c'était ça se faisait, mais lire le Coran comme ça, yani ouvrir le livre et lire, ou bien le lire en groupe, surtout en groupe, yani c'est vraiment bid'a. Il faut donc inchallah ta'ala éviter cette chose. Mais comme tu as dit ici que la personne elle-même c'est une innovatrice, donc il n'y a rien inchallah ta'ala d'étonnant à ce qu'elle vient de faire. Tfadhal. Assalamu alaikum, Cheikh. Je vous aime en Allah. Voilà ma question. Pendant la salat à haute voix, je lis je lis pendant Abbas voit comment je dois la rattraper. Apparemment, peut-être que le frère il a dû oublier un mot. Allahu a'lam. Est-ce que la personne qui a posé la question voulait dire que dans une salate où il faut lire à haute voix, elle a lu à voix basse? Quel est yani, le statut de cela? Voilà. Je dis, Inch'Allah ta'ala, que lire à haute voix ou bien à voix basse, c'est seulement une sunna. C'est-à-dire que si quelqu'un pendant le dhuhr va lire à voix haute, il n'aura pas de sujoud à faire. Et si quelqu'un pendant salat al-maghrib et l'isha va lire à voix basse, il n'aura pas de sujoud à faire. Car dans la première, il a délaissé une sunna, et dans la deuxième, il a fait une chose, yani, qui n'est pas obligatoire. Donc, inshallah ta'ala, dans les deux cas, il n'a pas de prosternation à faire bi'idhnillahi ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, comme c'est dans Sahih Bukhari, de temps en temps dans Salat al-Dhuhr, il lisait des versets à haute voix. Tfadal. Assalamu alaikum, Cheikh. Au paradis, y a-t-il la nuit? Le Coran, qui l'a écrit, les anges ou la plume? Tfadal, Cheikh. Dans le paradis, il n'y a ni jour ni nuit. Non, il n'y a pas de nuit. Quand je dis il y a ni jour ni nuit, je veux dire il n'y a pas de nuit. Il y a quoi? Il y a de la lumière. Nour. Nour. Il y a nour. Non. C'est pour cela que même les versets où Allah Ta'ala dit par exemple, wa lahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya. Dans ce verset, Allah Ta'ala dit qu'ils auront dans le paradis, ils auront leur risque, leur subsistance, le matin et le soir. Donc quelqu'un va dire, pour qu'il y ait matin et soir, il faut qu'il y ait coucher du soleil, ou bien le soleil rougit, ou bien. On va dire non. L'explication de ce verset veut dire que, comme ici dans ce bas monde, ils mangeaient matin et soir, là-bas aussi dans le paradis, non, ils ont, même eux, s'ils ne demandent pas, ils ont comme ça, dans des intervalles, comme entre matin et soir, ils ont des repas spéciaux, des boissons, des à part ce qu'ils mangent eux-mêmes, yani avec leur propre volonté. Non. Et quant au Coran, vous savez que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis dans la tablette préservée, et ensuite Jibril alayhi salam en prenait de ce Coran et descendait le lire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani par verset ou bien par extrait d'après ce qui se passait comme événement sur cette terre, Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah est de l'avis que yani le Coran n'était pas en entier dans la table préservée avec les détails, mais il était comme ça en grosso modo, pas dans tous les détails. Il a dit car, pourquoi? Si on va dire que le Coran se trouvait avec les détails dans la tablette préservée, donc il y avait par exemple le verset qui dit que par exemple laqad sami'a Allahu qawl allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah Ta'ala a entendu celle qui est venue se plaindre, c'est un verset. Allah Ta'ala a entendu celle qui est venue c'est à toi, alors que elle ne s'était pas encore plainte. Ça si le verset était déjà dans la table préservée, comme dit Cheikh Ibn Othmin, il y aurait donc contradiction. Le verset a dit, Allah Ta'ala a entendu la femme qui est allée se plaindre, alors qu'elle ne s'est pas encore plainte. Il faut des millions d'années après pour qu'elle se plaigne. Donc c'est pour ça que Cheikh Ibn Othmin dit qu'il était en général pas dans les détails dans Lawh Mahfouz. Ensuite, Jibril l'a fait descendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a lu aux sahaba qui l'ont écrit dans des feuilles et sur des cailloux, etc. et des os. Tfadlan. Salam alaykoum, cheikh. Mon ex-mari a fait appel à la justice française pour divorcer. Le juge a mis en place des droits de visite pour le père de mes enfants. Il se trouve qu'au mois d'avril, mon ex-mari n'a pas de congé et travaille. Il veut me retirer les enfants pour laisser à son oncle, qui est mécréant et homosexuel, alors que je suis une femme qui ne travaille pas, bien sûr. J'ai informé mon ex-mari que je ne donnerai pas les enfants. Il me menace de porter plainte. Que faire? Barakallahu fik, cheikh. J'ai pas entendu le début de la question. Tfadlan. Assalamu alaikum, cheikh. Mon ex-mari a fait appel à la justice française pour divorcer. Le juge a mis en place des droits de visite pour le père de mes enfants. Il se trouve qu'au mois d'avril, mon ex-mari n'a pas de congé et travaille. Il veut me retirer les enfants pour les laisser à son oncle qui est mécréant et homosexuel, alors que je suis une femme qui ne travaille pas, bien sûr. J'ai informé mon ex-mari que je ne donnerai pas les enfants, mais il menace de porter plainte. Que faire? Barakallahu fik. D'abord, la personne n'a pas cité quel âge avaient les enfants, si c'était très jeune ou s'ils étaient très jeunes et influençables, ou bien s'ils étaient assez grands pour raisonner, et que par conséquent, leur oncle ne pourrait pas influencer sur eux. Pour lui dire ce qu'elle doit faire exactement, je ne sais pas quelle est la réponse, parce que c'est une question, comme on dit, beaucoup plus sociale que 4 ans et demi et 2 ans. L'Aïberg, si c'était quelque chose dans la religion halal haram, pourrait répondre. Mais maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire? Et c'est elle qui voit. Si elle sait que elle ne va pas lui donner et que elle n'encourt pas de gros risques, que même lorsqu'il va déposer plainte, qu'on va rien lui faire, juste des menaces, juste ceci, malèche, qu'elle ne lui donne pas, pour pas qu'il aille chez leur oncle qui a ce défaut-là, ce pervers. Mais si maintenant elle a peur qu'elle risque d'être emprisonnée, ou bien elle risque de payer une amende, et comme elle dit, elle travaille, elle n'a pas d'argent, etc. Donc, dans ce cas, elle s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala et essaye de trouver comment, s'il y a moyen de convaincre son mari, s'il y a un moyen, comment lui envoyer quelqu'un qui aurait du respect pour lui, etc. Peut-être qu'en lui parlant, il va le convaincre. Pour lui dire que ta femme n'est pas contre. N'est pas contre que tu prennes tes enfants. Mais de là à les laisser chez quelqu'un qui est connu pour telle et telle chose, même toi, tu ne devrais pas accepter. Même toi, ce sont tes enfants, tu devrais avoir peur pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala alim, puisse Allah subhanahu wa ta'ala aider notre sœur à trouver une solution. Tfadlan. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, Cheikh. Première question. Parmi les ouvrages expliquant Sahih al-Bukhari, il existait le livret intitulé Fath al-Bari. Fath al-Bari de l'imam Ibn Hajr. Qu'Allah lui fasse sa miséricorde. Existe-t-il cette version en français, Inch'Allah? Non, d'abord, je voudrais vous dire que qui sont traduits en français, en ce qui concerne les livres qui sont traduits en français, Inch'Allah ta'ala, vous avez plus de science que moi. Parce que vous vivez en France et vous allez dans les bibliothèques et vous savez donc quels sont les livres qu'il y a et quels sont les livres qu'il n'y a pas. Non, donc, je crois que cette question, quelqu'un de France pourrait répondre mieux que moi. Seulement, je voudrais dire à la personne qui a posé la question que mon avis, c'est seulement mon avis, que ça m'étonnerait vraiment qu'il y ait la traduction de Fath al-Bari. Parce que Fath al-Bari est un livre qui a au moins 11 ou bien 13 tomes, et à l'intérieur, c'est vraiment difficile à lire. Surtout pour quelqu'un débutant, donc surtout pour quelqu'un qui voudrait quoi, qui voudrait traduire. Donc je dis Allah Alam, ça m'étonnerait qu'il y ait 11 ou 13 tomes comme ça traduits, alors qu'à l'intérieur, ce qu'il y a, c'est vraiment difficile à traduire. لكن الله سبحانه وتعالى أعلم دوما إن شاء الله تعالى تفضل Et là je profite pour dire aussi une chose il faut faire vous m'entendez, faut que j'ai écrit numéro 1. Fawzi, est-ce que tu m'entends? Alhamdoulilah. Laïb, Bouyassine, Alhamdoulilah. Il faudrait faire attention quand vous achetez des livres et c'est écrit que c'est traduit. C'est traduit. Il faudrait bien faire attention. Est-ce que c'est vraiment traduit? Notamment, non, et le sens aussi, ou bien il y a seulement des résumés. Car par exemple, grande a été ma déception quand j'ai vu comme ça une fois sur internet que il y avait le livre de Cheikh Ben Rousseyman rahimahullah, Riyad Salihin, et c'est écrit quoi, il y a un commentaire de, il y a une traduction plus commentaire de Cheikh Ben Rousseyman rahimahullah. Alors Le livre en arabe de Cheikh Ibn Uthaymeen qui a expliqué Riyad Salihin avec les commentaires, c'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est 6 tomes. Non, 6 tomes assez gros. Alors que celui-là, c'est seulement un tome. Un tome, comment qu'il a pu faire, il a pu grouper 6 tomes en un tome? Allahu alam. Al-Muhim. Ensuite, quand quelqu'un m'a dit, Cheikh, si vous voulez, je vous l'envoie. Je lui dis, subhanallah l'adim, un livre pareil. Moi, je suis en train de le faire en arabe. Je traduis je fais des efforts personnels pour traduire. J'aurais bien aimé qu'il soit donc devant moi en français. Quand il a envoyé, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Il y avait seulement des résumés. C'est-à-dire, ce que dit Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, ce qu'il dit dans 3 ou 4 pages, l'autre, il le met dans 3 lignes. Tu dis, voilà ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, les commentaires de Cheikh Ibn Uthaymeen. Alors, donc, qu'est-ce qu'il a fait, cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a menti, et elle a fait une feinte. Elle a fait une grande feinte à celui qui ne sait pas. Il va l'acheter, il va dire, Masha'Allah, j'ai les commentaires de Cheikh Ibn Uthaymeen, alors qu'il n'a pas les commentaires. Il a le résumé très bref, du commentaire. Donc, la personne, puisse Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonner pour cette feinte et ce grand mensonge. Et ce grand mensonge. Car si elle était sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle aurait écrit résumé des commentaires de Cheikh Ibn Uthaymeen. Comme ça elle dit, résumé. Ce n'est pas yani Riyad Salihin avec commentaires de Cheikh Ibn Uthaymeen. Plus Allah subhanahu wa ta'ala pardonner à cette personne. Et là ça me rappelle le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit quoi? Il dit inna tujara humul fujjar illa marhima rabbi ou illa marhima rabbuk. Qu'a dit le prophète alayhi wa sallam? Il a dit les commerçants ce sont eux les pervers sauf ceux auxquels Allah ta'ala fait miséricorde illa marhima rabbi. Comme ça il a dit les commerçants inna tujara humul fujjar, ce sont eux les pervers. Ensuite remarque, il n'a pas dit les commerçants sont les pervers. Non, ce sont eux les pervers. C'est comme s'il voulait dire, il n'y a pas d'autres. Seulement eux, seulement les commerçants. Cette personne, pourquoi elle a écrit comme ça sur le livre de Riyad Salihin? C'est à cause du commerce. À cause d'eux, les gens vont voir comme ça, ils vont acheter le livre. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tafadhal. Assalamu alaikum, cher. Mon fils de 10 ans a commencé une prière obligatoire. Est-ce que je peux le rejoindre, sachant que mon fils fait assez bien sunna et récite bien les solates? Barakallahu fik, cher. Tfadal. Est-ce que tu as dit, si, yani par la question, si elle pouvait yani faire la prière derrière lui? Est-ce que c'est ça la question? Non. Je dis quand l'enfant dépasse 7 ans et que c'est quelqu'un qui raisonne, mashallah, qui a yani, qui raisonne bien. C'est pas quelqu'un, par exemple, de mal avec, quelqu'un de normal qui raisonne bien, mashallah, et quelqu'un qui est connu que, par exemple, il fait le wudu et que quand il va aux toilettes, il se lave. Non. Si celui-là veut guider dans la salat, surtout dans la maison, il veut guider sa mère, c'est possible bi'idhnillahi ta'ala. Donc lui il fait imam et sa mère se met derrière lui, sa mère et ses soeurs. Non. Quel est le dalil? Le hadith qui se trouve dans Sahih Abi Daoud de Cheikh Al-Albani rahimahullah, où il est dit que Amr ibn Salama, un enfant de 6 ou 7 ans, Amr ibn Salama, dans d'autres versets, d'autres versions, 7 ou 8 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a guidé les sahaba. Et il faisait la prière et il guidait les sahaba. Il n'avait même pas yani, un qamis qui... Salam alaikum, cher. Vous êtes toujours là, cher? Abou Yasmine, tu entends toi? Fawzi, est-ce que vous entendez maintenant? Tayeb, c'est quoi la dernière chose que vous avez entendue? Barakallahu fik. Disons, c'est quoi la dernière phrase que vous avez entendue? Tfadal. Salam alaikum, cher. Vous parliez de de l'enfant qui dirigeait au temps des Sahaba. Je disais que cet enfant 8 ans et que il n'avait même pas des vêtements qui cachaient tout son corps, toute sa aura, au point où lorsqu'il se prosternait, yani, on voyait un peu yani, de sa aura. Au point où les femmes qui priaient derrière les hommes et derrière ce, lesquelles priaient derrière cet enfant, on dit aux hommes, demandez à votre imam de cacher sa aura. Et alors, ils se sont mis tous d'accord et ils ont fait une quête d'argent et ils lui ont acheté un qamis, mashallah. Cet enfant a dit, jamais je n'ai été content dans ma vie comme le jour où on m'a offert ce qamis pour yani, guider les gens. Donc, c'est permis, inshallah ta'ala, qu'il guide sa mère à condition que yani, quand il va aux toilettes, il se lave et qu'il fait les ablutions pour faire la prière. Très bien. J'en profite pour dire de m'envoyer des questions s'il vous plaît sur l'adresse email que je vais mettre, parce que sinon si vous l'envoyez un message privé, ça me fait bugger l'ordinateur. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum Cheikh, je vous aime en Allah. Comment il faut finir une khutba le jour du vendredi? Barakallahu fik. Donc je dis à cette personne et à l'autre aussi, l'autre qui a dit qu'elle m'aime Allah et à laquelle j'ai oublié de lui répondre, je dis أحبك الله الذي أحببتني له. La deuxième chose, c'est que la khutba on la termine normalement en disant par exemple سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et c'est permis de temps en temps, pas toujours, de temps en temps de faire des doigts, mais pas chaque vendredi. Non. Fadal. Ensuite, dis-moi Fouzi, est-ce que les questions qui t'arrivent, est-ce que ce sont celles yani, de ceux qui sont dans la mosquée ou bien de ceux qui sont dans le salon? Très bien. Salam alaikum, cher. Oui, en fait des deux. Beaucoup sur Paltak quand même. Voilà, je leur ai mis l'adresse email, inchallah, sur laquelle ils peuvent me les envoyer. Comme ça, je pourrais mieux gérer. Barakallahu fik. Cheikh, tfadal, après la question. Non, je n'ai rien à dire, j'ai terminé. Ok, cher, barakallah. Cher, on va vous poser une question en arabe, inshallah, parce qu'en français, c'est un peu dur à la traduire, inshallah. Salam alaikum, cher. Sual, akh hada kitabun ismuhu l'anwan ta'u, souwar min al-hayat l'issuhaba. Cheikh al-kitab ismuhu Abdurrahman Ra'fat Bacha. Hal ta'arifouna had al-sheikh min fadlikum? أعطونا رأيك فيه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا أعرف هذا الكتاب ولا سمعت به في حياتي ولا سمعت بالمؤلف في حياتي. وأنا يعني أنصح إذا أراد الإنسان أن يهدي كتاب إلى إنسان آخر أن يعني يتحرى حتى يعني يشتري أو يهدي له يعني شيئا يعني كتابا يكون ما فيه صحيحا يعني في الشريعة ولا يكون يعني يحتوي على يعني أمور ضعيفة وعلى بدع وعلى مخالفة شرعية. والله تعالى أعلم. تفضل. Salam alaikum, Cheikh. Assalamu alaikum, Cheikh. Je veux savoir quels sont les différents avis pour le voyage de la femme seule sans mahram. Barakallahu fik, Cheikh. Non, il y a deux avis, pas trois. Le premier, de la plupart des savants, qui disent qu'il lui est interdit de voyager si elle n'a pas de mahram. Le deuxième avis, qui dit que il lui est permis si elle est quoi, si elle est en panier sécurisé. Non. Maintenant, reste une chose. Une troisième chose, ou alors reste deux choses. La première des choses, c'est que l'avis le plus fort, Inch'Allah Ta'ala, c'est quoi? C'est l'avis qui dit que elle ne doit pas voyager sans mahram. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il avait dit que il était interdit à la femme de voyager seule sans mahram. Il a dit pour une durée de 24 heures. Yani yawm wa layla. Quelqu'un a dit à Rasulullah, j'ai été désigné pour aller faire le djihad dans un bataillon. Et ma femme est sortie en hajj. Yani, qu'est-ce que je fais? Il lui a dit quoi? Il lui a dit, rattrape-la et fais le hajj avec elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, laisse le djihad. Ne va pas au djihad et va rattraper ta femme pour aller avec elle au hajj. Donc, si le mahram n'était pas quelque chose de d'aroré et de très obligatoire, comme le prophète islam lui dit, laisse le djihad et va la rattraper. C'est la première des choses qui prouve quoi? Que la vie le plus fort, c'est que quand elle voyage, elle doit avoir un mahram. Mais là, il y a deux choses importantes. La première, il y a une exception cependant, où la femme, ou disons deux exceptions, où la femme peut voyager sans mahram. Le premier, si c'est pour faire la hijra, si c'est pour faire la hijra d'un pays de kufr vers un pays musulman, dans ce cas, elle peut faire la hijra sans avoir besoin de mahram, car des fois elle n'en a pas, et des fois le mahram il existe mais il ne veut pas faire la hijra, et des fois elle n'en a pas du tout, comme la reconvertie par exemple là, on n'a pas de tuteur. Donc je dis, dans ce cas il lui est permis, pour sauver sa peau et quitter le pays de Kufr, de faire la hijra sans quoi? Sans mahram. Et le dalil c'est quoi? C'est le Coran et la Sunna. Le Coran, le verset, il dit déjà qu'un mu'minat muhajirat, il n'a pas dit si les croyantes viennent avec leur mahram faire la hijra. Il a dit teste-les. Il n'a pas cité le mahram. Et deuxièmement, que beaucoup de femmes, autant du prophète alayhi sallam, ont fait quoi? On fait la hijra sans mahram. Entre autres, l'une des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi Umm Kulthum. Non. Donc, au temps du prophète islam, certains ont fait la hijra sans quoi? Sans mahram. Et d'autres ont fait la hijra avec un kafir. Mouhim. Ça, c'est la première exception pour la hijra. Et la deuxième exception, c'est quoi? C'est la daroura. Savez ce que c'est la daroura? Yani le besoin, la contrainte. Non. Si une femme, par exemple, elle est seule et n'a pas de mahram, et que lorsqu'il est marié chez vous ou chez moi ici, Fouzi, chez vous, Allah ibarak, vous entendez bien, Allah ibarak. Donc je disais, la deuxième exception c'était quoi? C'était s'il y a daroura. Supposons qu'une femme n'a pas de mahram et que son père est mourant, son père il agonie à 100 km de chez elle, et il lui demande de venir pour être à son chevet pour qu'elle l'aide, pour qu'il le soigne, pour qu'il dise la ilaha illallah, pour que. Est-ce qu'elle va dire donc je le laisse mourir, j'ai pas de mahram? Ou bien elle doit dire Allah Ta'ala sait que je ne sors pas sans mahram. Mais là, je suis quoi? Je suis dans une situation, yani, vraiment de darura. Je ne peux pas laisser mon père mourir comme ça. Non. Atfadal. Barakallahu fik, cher. Cher, vous avez un bon micro, hein, parce qu'on entend bien. Hein. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher. Je suis une sœur et vous pose une deuxième question, si le temps vous le permet. La dernière fois, dans votre room, vous avez parlé du jilbab comme la meilleure tenue comparée à d'autres hijab. Je porte un jilbab et je me sens apaisé avec ce voile. Une sœur voudrait savoir s'il existe des preuves coraniques ou de la sunna qui démontrent que le jilbab vaut plus que le voile et une tunique large accompagnée d'une robe large, par exemple. Elle souhaiterait savoir si les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam portaient exactement le jilbab que l'on voit commercialisé aujourd'hui, ou si elles portaient le sitar ou le niqab. Barakallahu fik, cheikh, je vous aime en Allah. Et merci du savoir que vous nous partagez. Tfadal, cheikh. Donc je dis à la personne, Ahabakillahu, alladhi ahbabtani lahu. Deuxièmement, le jilbab a été cité dans le Coran, dans la Sunna. Dans le Coran, comme lorsque Allah Ta'ala a dit. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أو بروفيت دي أتي زيبوز إتي في إي دي زيبوز دي كرويون دو رابيسي لور جيلباب. Pourquoi? Pour que elle soit différenciée des autres. Des autres, c'est qui? Les kafirettes. Les kafirettes, mais c'est où? Mettez aussi le jilbab, autant du prophète alayhi sallam. Comment qu'elle le mettait? Elle le, puisque le jilbab, c'est quelque chose qui se pose sur la tête et descend. Descend jusqu'à couvrir tout le corps de la femme. S'il se met sur la tête, si c'est quelque chose qui se met sur la tête, on l'appelle jilbab. Si c'est quelque chose qui se met sur les épaules, on l'appelle dirha. Dira. Et dans le commun de chez nous, on l'appelle abaya, par exemple abaya. Pourquoi? Ça se met sur les épaules. Si ça se met sur la tête, on dit jilbab. Al-Muhim. Les kafirettes, comment qu'elles mettaient le jilbab? Elles le relevaient un peu de façon à ce qu'elles le mettaient, par exemple, sur le presque le milieu de la tête. On pouvait bien voir la frange des cheveux. On pouvait bien voir le début de leur tête avec leurs cheveux. Allah Ta'ala dit à Muhammad à tes épouses tes filles et les épouses des croyants de le faire descendre, c'est-à-dire jusqu'à quoi? Jusqu'à, disons, que toute la tête soit cachée. Il commence par le front, toute la tête soit cachée. Quant à dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que, par exemple, le jour de l'Aïd, que les croyantes devait aller assister à Salat al-Aïd et assister à ce grand bien, même si elles ont les menstrues. Et là, il a dit même si une de vous n'a pas de djilbab, que sa sœur lui, yani, partage avec elle son djilbab. Que sa sœur partage avec elle son djilbab. Il a cité djilbab. Et j'ai dit la fois passée que le djilbab pouvait changer d'un pays à l'autre. Selon les coutumes. Al-Muhim, pour qu'il soit djilbab, il faudrait qu'il commence de la tête. C'est celui-là qui a été saint et dans la sunna. Maintenant, si une femme ne met pas de djilbab, mais cache tout son corps avec quelque chose de large, etc., on ne va pas lui dire que yani, il faut l'enlever. On va pas lui dire que toi, entre toi et celle qui met une robe serrée, tu n'as pas de différence. on va pas lui dire ça. Non, on va l'encourager et lui dire que cela se prendra à t'aider jusqu'à ce que tu mettes le djilbab. Ensuite, la personne a dit que pour le niqab et le sitar, je lui dis que Aïcha radiallahu ta'ala anha disait que, yani quand j'étais au Hajj par exemple, alors qu'au Hajj, c'est interdit de mettre le niqab. Elle a dit quand il n'y avait pas les hommes, j'étais à visage découvert. Dès que les hommes passaient devant moi, je me cachais le visage. Reste à dire. Est-ce que Aïcha ici, quand elle se cachait le visage, c'était d'une façon obligatoire ou bien d'une façon surérogatoire, c'est-à-dire sunnah? Là, il y a une grande différence, une divergence entre les savants. Entre ceux qui disent c'est obligatoire le niqab et ceux qui disent que ce n'est pas obligatoire le niqab. Mais ils sont tous unanimes pour dire que si la femme est belle et qu'elle risque de faire des fitna, qu'elle devrait se cacher le visage. Wallahu ta'ala a'lam. Même si moi je suis de l'avis que le niqab n'est pas obligatoire, je suis de cet avis, de l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Sauf bien sûr pour l'exception quand il a dit que sauf si la femme était fitna. Et quand je dis que pour moi il n'est pas obligatoire, ça ne veut pas dire que c'est pas bien de le mettre. Sûrement que celle qui le met, c'est mieux. Mais pas au point que je dise il est obligatoire. Fadlan. Salam alaikum. Je voulais savoir si cela était permis d'assister à des dourous entre sœurs. Aussi, j'apprends le livre Al Qawal Al Mufid de Cheikh Al Wasabi Hafidhahullah par cœur et chaque semaine avec quelques sœurs. On s'interroge sur chaque leçon. Est-ce que cela est légiféré? Barakallahu fik. Tafadhal Cheikh. J'ai pas compris ni bien entendu le titre du livre. Ensuite, la sœur n'a pas précisé. Est-ce qu'elles étudient ce livre yani, en se groupant dans une maison ou bien dans une mosquée? Tfadlal. Cheikh, le titre c'est Al Qawl Al Mufid de Cheikh Al Wasabi Hafidhahullah. Et après, si. Après, je sais pas, à préciser, Cheikh. Tfadal. Non, le livre je le connais pas. Mais s'il est de Wasabi Hafidhahullah. C'est que sûrement c'est un bon livre, puisqu'il a été écrit par un savant, des salafs. Et moi, ce livre, je ne l'ai pas lu. J'en ai entendu parler, mais je n'ai pas lu ce livre. Ensuite, je dis le mieux pour les sœurs serait de faire comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on lui a demandé dans Sahih al-Bukhari, on lui a demandé qu'il réserve aux femmes yani, des cours exactement comme il réserve aux hommes. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit alors qu'on se rencontre la semaine prochaine chez X. Il a cité une femme. Qu'on se rencontre la semaine prochaine chez X, par exemple chez Om Abdullah par exemple. Et comme ça ils se rencontraient chez elle. Et le prophète sallam leur donnait des cours. C'est pour ça que les savants ont dit yani, pour la femme ce n'est pas sunnah de faire les cours dans la mosquée entre elles, ni ça s'est fait au temps du prophète sallam, ni autant des sahaba ni autant des tabi'in. Mais les sœurs, quand elles vont à la mosquée, c'est pour écouter et prendre des cours des hommes, de l'imam ou bien de celui qui prend sa place. Mais si c'est seulement entre elles, ils ont dit la sunna, c'est que ça soit à la maison. Ensuite, j'ai un fichier ici où il y a 4, 5 ou 6 grands savants de notre époque, entre autres Fawzan, Cheikh Rabia, Cheikh Al-Albani, 4 ou 5 autres, Cheikh Ibn Uthaymeen, qui disent que faire des cours pour les femmes entre elles dans une mosquée, que ça rentre dans la bida. Donc je dis, ce serait mieux pour les sœurs, si c'est entre elles, de voir comment faire des cours dans des maisons, mais il n'a été à la époque et pas dans les mosquées. Maintenant, si c'est d'Aurora, il n'y a que la mosquée, il n'y a pas de maison là, Allahu Ta'ala A'lam. Je dis Allahu Ta'ala A'lam. Je dis pas c'est permis, je dis Allahu Ta'ala A'lam. Tfadlal. On n'a pas entendu ce qu'a dit l'Houda. Ce qu'a dit l'Houda 30, je n'ai pas entendu un mot. Je crois que il n'avait pas le micro. Ou bien il a des problèmes dans le micro. Tfadlal. Salam alaikum. Vous m'entendez, Cheikh? Salam alaikum, vous m'entendez, Cheikh? Très faible. Ouais. Là-bas, c'est débloqué là-bas? Salam alaikum, Cheikh, vous m'entendez? Salam alaikum, Cheikh, vous m'entendez? Ça s'est débloqué là-bas? Ok, Cheikh, je vais poser la question. Assalamu alaikum. Mon époux souhaite prendre une seconde épouse, Inch'Allah. Mais il s'y est mal pris. Il a trouvé une sœur acceptant être co-épouse. Mais il discute avec elle souvent jusqu'au point où il a manqué à ses devoirs envers mes enfants et moi. Je me retrouve seul et lui, pendant ce temps, discute avec elle. Et de plus, c'est une sœur en période de Hida, Bida, enfin, là j'ai pas compris. Hida, barakallahu fikoum, conseillez-les et conseillez-moi. Ça fait 2 mois que ça dure, je patiente malgré tout et ça porte préjudice à notre couple. Tfadal, Cheikh. Osez, est-ce que tu m'entends? Osez, est-ce qu'il est là? Écoutez, le Houda, il y a un problème dans ton micro. Non. Femme, il y a un problème dans ton microphone. C'est-à-dire, on entend de très très loin, c'est à peine audible. Et dans les questions-réponses, ce n'est pas permis de ne pas avoir rien des moyens. Pourquoi? Parce que si j'entends pas un seul mot, ça risque de tout changer. Ou bien je comprends pas un seul mot. Toute la question va dévier et la réponse va être tout à fait autre chose. C'est pour cela que il faudrait changer de micro, inchallah ta'ala, ou bien donner à une autre personne pour qu'elle pose la question. Tfadla. Salam alaykoum, cher, vous m'entendez? C'est qu'en fait, Chir, il y a un problème sur mon ordinateur là-bas. C'est pour ça que je me suis mis sur El Houda. Vous m'entendez mieux, Chir? Chir, salam alaikum, Chir. Je vais envoyer les questions à Abou Yasmin, inshallah, il va vous les dicter, inshallah. Oh purée, je peux pas, purée. C'est débloqué là-bas? Est-ce que je suis débloqué? Non? Comment? Chir, on ferme et on rouvre, inchallah, la room. Salam alaikum, cher. Salam alaikum. Salam alaikum, Abou Yasmine, tu m'entends? Assalamu alaikum, on va attendre que le chéri se reconnecte, inchallah. Assalamu alaikum, chéri, désolé pour ce petit. Pour cette petite panne. Tfadal, chéri. وعليكم السلام ما فيش مشكل سيتي كوا لا كيسيون تفضل السلام عليكم mon époux souhaite prendre une seconde épouse inchallah mais s'il y est ici est mal pris Il a trouvé une sœur acceptant être co-épouse. Mais il discute avec elle souvent jusqu'au point où il a manqué à ses devoirs envers mes enfants et moi. Je me trouve seul et lui, pendant ce temps, discute avec elle. De plus, c'est une sœur en période de Hida. Barakallahu fikoum, conseillez-les et conseillez-moi. Ça fait deux mois que ça dure, je patiente malgré tout et ça porte préjudice à notre couple. Wa alaykoum salam, Ahmadullah, est-ce que tu m'entends? Là, ce que ce frère et cette sœur sont en train de faire, Ça s'appelle les grands péchés. Ça s'appelle les grands péchés. Et à plus forte raison, que, premièrement, ça se répète. Ça fait deux mois et qu'ils font cela, et ni lui, ni elle, n'ont eu honte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est en train de les voir et de les entendre. Et la deuxième chose, plus importante, C'est que la sœur est quoi dans la période de Idda où vraiment il lui est même pas interdit que il lui est au point où il lui est même pas permis de par exemple de se maquiller etc juste pour éloigner d'elle les hommes qu'en est-il maintenant elle discute avec lui pendant deux mois c'est pour ça que les savants disent que si jamais quelqu'un va épouser une femme alors qu'elle est dans la période de Idda le juge va séparer entre eux jusqu'à la mort jamais ils ne pourront se marier ils séparent entre eux et yani, jamais ils ne pourront se remarier le mohim c'est de là ce couple là on peut dire carrément qu'ils sont rentrés dans la perversité que en faisant comme ça lui il devient pervers Et elle devient perverse. Parce que ils font des grands péchés. Pourquoi des grands péchés? Parce que parler avec une femme sans raison et dans des choses pareilles, ça commence par être un petit péché jusqu'à ce qu'elle devienne, ça devienne un grand péché car le petit péché sur le petit péché, ça devient un grand péché, comme disent les savants. Deux mois qu'ils sont en train de parler comme ça, sans avoir ni honte ni peur. Ni peur de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je dis à ce couple-là, je lui dis que vous n'allez pas aller loin. Vous n'allez pas yani, aller loin. Même si vous allez se marier, vous mariez, il n'y a aucune baraka dans ce mariage. Pire encore, dans ce mariage, il y a la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la règle dit quoi ? Mais bouni ala batil fa huwa batil. Ce qui a été construit sur du faux, c'est du faux. Ça n'a pas un début, un déclenchement, disons, yani, qui est sur le solide, donc ça va quoi? Ça va yani, se détruire tout seul très vite. Donc c'est un quelque chose qui a débuté par le haram et par le faux et par la colère d'Allah, donc ça va se terminer très vite et très mal. Et très mal. La soeur est enceinte, c'est ça. Étant enceinte, ça veut dire que elle n'a pas le droit de parler avec un homme dans ces choses-là jusqu'à ce qu'elle mette bas, yani, l'enfant qui est dans son ventre. Car étant enceinte, ça veut dire quoi? Étant enceinte, ça veut dire qu'elle est toujours le mari du premier. Elle est toujours son mari. S'il veut maintenant, il vient chez elle et yani, c'est sa femme, il fait avec elle ce qu'il veut. Pourquoi? C'est toujours sa femme. Alors que, subhanallah, elle part déjà un homme, elle lui promet le mariage et ils disent, sûrement des mots déplacés, ils disent, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Je dis à cette soeur, celle qui a posé la question, si vraiment yani, ton mari va se marier avec celle-là, laqadallah, s'il va se marier avec elle, il y aura vraiment des problèmes entre elle et toi. C'est une soeur qui n'a pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut s'attendre à tout avec elle. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver d'une co-épouse pareille. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guide ton mari, raffermisse son cœur, car il est dans les tentations. Il est à fond dans les tentations, il ne sait pas, yani, ce qu'il fait, il ne sait pas, yani, maintenant il a perdu le fil. Il a perdu yani, la boussole. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala l'aider à se réveiller. Il est ivre. Il est ivre, khlas, il est sakran. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala l'aider et lui montrer le chemin. Fais-lui des rappels. Dis-lui ce que je t'ai dit. Et fais beaucoup de doigts quand tu fais la prière, surtout la prière de la nuit. Allah al-Musta'an. Fadlal. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, Cheikh. Est-il permis pour un musulman de se tailler la barbe, c'est-à-dire couper les poils qui dépassent de la barbe pour la rendre plus uniforme, barakallahu fikoum, Cheikh. Qu'Allah vous récompense et vous accorde à tous le fil d'ars. Si on va lire et écoutez ce que disent les savants et la plupart, ils disent que yani, il ne faut pas la toucher du tout. Il ne faut pas la toucher du tout. Malgré cela, on voit des savants comme Salah al-Sheikh, rahimahullah, qui prend de sa barbe. Et on voit Sheikh al-Albani, rahimahullah, qui dit que si elle dépasse la poignée, il est permis d'en prendre. Et il a cité des hadiths de sahaba, des afar, de Abi Huraira et de Abdullah ibn Omar aussi. Et des afar qui disaient que, pas seulement dans la Omra, mais yani, dans le quotidien. Donc, yani, je dis, Allah subhanahu wa ta'ala alam, que yani, ça m'étonnerait que l'islam, par exemple, dise que yani, on doit laisser la barbe comme ça, yani, à droite, à gauche, qui monte, qui est ébouriffé comme ça, yani, de tous côtés. Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pas au point de la tailler comme font les frères musulmans. De la tailler avec le rasoir et de prendre comme ça sur les côtés, de façon à ce qu'elle soit yani, comme la barbe d'un acteur. Comme font les acteurs, comme ils se taillent les barbes. Ce n'est pas comme ça. Non. Mais quand elle est vraiment grande, elle prend la poignée, elle dépasse la poignée, il est permis d'après Cheikh al-Albani rahimahullah d'en prendre. Wallahu ta'ala alam, tafaddal. Assalamu alaikum, Cheikh. Comment mettre son unicité en pratique et comment éviter les pièges du Cheikh Akbar et du Cheikh Ashar? فضل الشيخ. ممكن أعيد السؤال بارك الله فيك. السلام عليكم الشيخ. Comment mettre son unicité en pratique et comment éviter les pièges du shirk akbar et du shirk ashar? Pour mettre sa aqida dans la pratique et aussi éviter les pièges du shirk akbar et shirk ashar, premièrement, je réponds aux deux questions. Ce sont deux questions. Je réponds aux deux questions en disant. La première des choses qu'il faut, c'est quoi? C'est apprendre la vraie aqida. La vraie. Car Allah Ta'ala ne nous a pas demandé de dire la ilaha illallah, mais surtout d'apprendre la ilaha illallah. Il a dit dans le Coran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Il n'a pas dit di la ilaha illallah, il a dit fa'lam. Fa'lam, ça veut dire en français, apprends, sache. Donc il y a le savoir dans la ilaha illallah. C'est pour cela que ça ne suffit pas de dire ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ensuite quoi? Je vais l'annuler. C'est un peu comme quelqu'un qui va faire des ablutions, ensuite il va uriner. Quand il urine, il a perdu ses ablutions. Quand il dit la ilaha illallah, il peut l'annuler comme on annule les ablutions. Donc, ça revient à dire qu'il faudrait qu'il connaisse bien c'est quoi la ilaha illallah et quelles sont les choses qui l'annulent. Quelles sont les choses qui l'annulent. C'est pour cela que chaque musulman devrait faire des efforts pour connaître bien sa aqida et ne pas l'annuler. Et ne pas l'annuler. Naam. Et maintenant, si jamais il fait des fautes, surtout shirk al-asghar, comme par exemple l'ostentation, il voudrait que les gens le complimentent quand il part dans le dîn, ceci, cela, il voudrait que les gens le voient, comment il fait sa salat, al-muhim. Quand il fait le shirk al-asghar, il faudrait qu'il revienne vite vers Allah subhanahu wa ta'ala en se repentant. On ne peut pas dire que et prétendre qu'on est infaillible et qu'on ne ressent pas ces choses et qu'on ne fait pas les grands péchés. Mais un mohème, si je me trompe, je reviens vite vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, inna alladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Il a dit: et les pieux, si jamais le shaitan les touche, il a dit tadakkaru, il se rappelle et les voilà dans la clairvoyance. Donc remarquez que Allah Ta'ala dit que même les pieux, le shaitan pouvait les toucher. Et les pieux ne sont pas infaillibles. Il y a le shaitan où des fois il rentre. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit les voilà qu'ils se rappellent et les voilà sur le chemin de la clairvoyance. Donc, ce n'est pas vraiment grave de se tromper. Mais ce qui est grave, c'est de ne pas revenir et de continuer dans la faute, dans le péché. Comme font le couple de tout à l'heure. Le couple de tout à l'heure. Ça fait 2 mois qu'ils sont dans le péché. Ils savent. Et ils se rencontrent et ils parlent par téléphone et par je ne sais pas quoi. C'est ça ce qui est grave. Mais si quelqu'un a fait une faute, il a parlé une fois ou bien une nuit ou bien, ensuite il a regretté. C'est quoi ça? Où je veux aller? Je vais devenir pervers. Il revient vers Allah, il pleure et il demande de lui pardonner. Non, le pieux, le croyant, même le pieux n'est pas infaillible. N'est pas, infaillible. Non. Mais la grande faute, c'est de ne pas revenir et de continuer dans la faute. Donc je dis, pour résumer, il faut faire des efforts pour apprendre sa aqida. Et la aqida, c'est la chose la plus importante dans la vie du croyant. C'est la aqida. C'est avec elle que tu rentres dans l'islam. et c'est avec elle que tu quittes ce monde. Car le prophète Hassan m'a dit, quiconque sera son dernier mot, là, sa dernière phrase, la ilaha illallah, il rentrera au paradis. Donc c'est avec la aqida la ilaha illallah que tu quittes ce monde. Et c'est avec la ilaha illallah, si tu ne l'as pas annulé, que tu rentreras demain au paradis. Et c'est la ilaha illallah qui te sauvera demain de l'enfer, comme dans le hadith authentique, que une personne viendra yom qiyama, et que quand elle va, Allah Ta'ala va lui peser ses œuvres, c'est dans la balance, c'est l'autre côté qui va prendre le dessus, le côté des péchés, etc. Et que quand la personne croit que khlas, c'est terminé pour elle, qu'elle va être jetée en enfer, Allah subhanahu wa ta'ala, yani, dans le hadith de la carte, la fameuse carte, une carte viendra et se posera sur la balance, et voilà que tout se renverse. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a dans cette carte. Il y a la ilaha illallah. C'est la ilaha illallah qui va le sauver, inshallah ta'ala. Tfadlal, une seconde, inshallah ta'ala. Une seconde, téléphone. Le temps qui revient, cher Abou Yasmine, tu as reçu la question? تفضل ان شاء الله. السلام عليكم شيخ. Est-ce que vous m'entendez là? نعم بارك الله فيك. السلام عليكم شيخ. M'est-il permis de ne pas dire directement à mes parents que je me marie pour ne pas les choquer, mais de les préparer doucement au fait que je suis marié? Je ne veux pas mentir, mais je ne veux pas les brusquer, mes parents. Qu'Allah vous préserve, vous et votre famille, chère. Alaykoum salam, la question, que la personne est déjà mariée. Et que maintenant elle veut yani, les préparer à ce qu'ils acceptent cela. Ensuite, celui qui a posé la question n'a pas dit s'il est un homme ou bien une femme, car il y a une grande différence. Fadlal. Cheikh, d'après la question, le frère il va se marier, il veut le cacher, et après il prépare ses parents et il leur dit. Par contre, le frère il dit pas si c'est une femme ou un homme, Cheikh. Pour dire la vérité, la question pour moi est ambiguë. J'ai pas compris. Celui-là, il veut se marier, il s'est pas encore marié. Et il veut préparer sa famille. Qu'est-ce qu'il y a d'anormal? Je ne trouve rien d'anormal. Une sœur. Naam. Même si c'est une sœur dans ce cas. Où est l'anomalie dans la question? Elle veut se marier et elle veut préparer ses parents. Et naam, c'est ce qu'elle doit faire. Elle veut préparer. Elle commence à dire, j'ai envie de me marier, j'ai ceci, j'ai envie de faire des enfants, j'ai ceci, cela. Où est l'anomalie? J'ai pas bien compris la question. Tfadlal. Cheikh, la soeur, elle m'a renvoyé, elle m'a dit de dire que je ne suis pas marié. J'ai pas compris, Cheikh. Donc toi tu n'as pas compris. Est-ce que d'après toi moi je vais comprendre? Moi je suis à 700 km loin de toi. Comment vais-je comprendre? Tfadlal. Assalamu alaikum, cher. Apparemment, la sœur Yannick, je pense qu'elle a voulu dire que comme elle va se marier, pour pas les choquer, est-ce qu'elle peut le dire après à ses parents, en fait, de préparer doucement yani, de préparer ses parents pour leur dire en fait. Cheikh, il y a eu plus d'éclaircissement là. La sœur, elle dit en fait, elle va se marier, elle n'est pas encore mariée, mais par contre, elle dit que ses parents ne sont pas musulmans. Voilà. Afon, j'ai pas compris. Tu as dit, elle va se marier, ensuite tu as dit en musulman ou bien non musulman, j'ai pas compris. Aoud, barakallahu fik. En fait, Cheikh, elle n'est pas mariée, elle va se marier. Mais en fait, ses parents, c'est pas des musulmans, elle dit. Et elle a peur de les choquer pour l'instant. Salam alaikum, Cheikh, est-ce qu'on vous envoie directement la question? Abou Yasmine, répète à Cheikh la fin de la question de ce que tu as dit là. Cheikh, en fait la sœur elle a dit elle n'est pas mariée, elle va se marier. Mais elle veut pas choquer ses parents parce que c'est pas des musulmans. Elle veut d'abord se marier et après petit à petit elle leur dira Inch'Allah. Voilà Cheikh, barakallahu fikoum. Si ses parents sont pas musulmans, voilà. Je suis reconverti, je vais me marier Inch'Allah, mais il me permet de ne pas dire directement aux parents que je me marie pour ne pas les choquer. Mais de les préparer doucement au fait que je suis marié. Je veux pas mentir, mais je veux pas brusquer mes parents, que là vous préserve votre famille. Non, si c'est une reconvertie, ses parents n'ont pas la tutelle sur elle. C'est-à-dire qu'elle peut se marier sans leur consentement. Elle peut se marier sans leur consentement. Mais ce que je veux dire par là, non, c'est à elle de voir. Si elle sait qu'après, elle pourra petit à petit aller doucement, et aller les convaincre. Inch'Allah ta'ala, il n'y a pas de problème à cela. Mais si elle sait que plus tard, quand ils sauront cela, que ils risquent de couper les liens avec elle. Donc c'est elle qui connaît ses parents. Elle connaît bien ses parents. C'est quoi leur caractère? Si c'est le genre que ils pourront petit à petit s'habituer, et quand ils connaîtront plus tard qu'elle est mariée, ils vont rien dire. Donc c'est pas grave pour elle bi-idhnatala. Mais si elle sait que ils ont le caractère difficile, et que si jamais ils sauront ça plus tard, ils vont couper les liens avec elle et lui dire tu n'es pas notre fille, etc. Il vaut mieux qu'elle s'abstienne, parce que ses parents, même étant des kofars, elle doit tout faire pour ne pas rompre les liens avec eux. Donc je résume, si elle sait que Inch'Allah ta'ala, plus tard ils vont accepter doucement, il n'y a pas de problème. Mais si elle sait que ce sont le genre que il faudrait qu'ils sachent, il y a des parents qui sont comme ça. Il y a des parents qui ont un caractère difficile. Ils voudraient que leurs enfants, qu'ils sachent tout sur leurs enfants, tout par les détails. Dans ce cas, il vaudrait mieux qu'elle patiente jusqu'à ce qu'ils sachent, Inch'Allah ta'ala. Voilà, Cheikh Fawzi, Inch'Allah ta'ala, pour aujourd'hui. Si tout va bien là et que Allah subhanahu wa ta'ala facilite les choses, on va se donner rendez-vous pour lundi prochain, inshallah ta'ala. Sinon, ce sera l'autre lundi, bi'idhnillahi ta'ala. Donc je dis subhanak allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Je dis salam alaykoum et je te donne la parole pour me rendre le salam, inshallah ta'ala. Cheikh, salam alaykoum, vous m'entendez? Alhamdulillah. Cheikh, je disais, barakallahu fik pour cette première avec nous. Inch'Allah, j'espère qu'on refera ça, Inch'Allah, lundi prochain. Et ça a été très gentil de votre part. Barakallahu fik, Cheikh. Et qu'Allah vous accepte au paradis, Inch'Allah. Et je vous dis, Inch'Allah, lundi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les frères et sœurs qui ont assisté au cours, Inch'Allah. Et Inch'Allah, comme je disais, c'était une première. À savoir que, Inch'Allah, peut-être qu'on refera ça lundi prochain, Inch'Allah. Ou bien le lundi d'après, Inch'Allah. Notez l'adresse salafi du 30@hotmail.fr. Vous pouvez y aller envoyer vos questions dessus, Inch'Allah. Elles seront traitées lundi prochain, Inch'Allah. Et faites passer le mot, Inch'Allah, c'est la fin du sud. Passez sur votre contact que cette room, il y a pas longtemps qu'elle a été ouverte, qu'on est du sud à côté de Nîmes, Inch'Allah, et qu'avec Cheikh Chalabi et bien sûr Cheikh Abdel Hadi le dimanche aussi. Et avec Hassan Abou Asma aussi, qui est en cours, Inch'Allah. Barakallahu fikoum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.